L'évangile de Luc est un très bel évangile, une parole de Dieu qui est comme un glaive, comme une épée à deux tranchants. D'une part, ce qui est beau et ce qui nous touche, c'est ce geste de Jésus, ces paroles de Jésus qui relèvent cette femme éprouvée. Traumatisée par sa vie peut-être, découragée d'elle-même, mais attirée par Jésus. Oui, elle est attirée par Jésus. Pourquoi? Pourtant, Jésus, c'est le pur, le Fils de Dieu, celui qui est sans péché, celui qui pourrait la juger. Mais pourtant, elle est attirée par Jésus. Pourquoi brave-t-elle, pourquoi entre-t-elle chez cet inconnu où elle n'a pas été invitée, chez Simon le pharisien? Les pharisiens, qui sont les pharisiens? Ce sont des spécialistes de la loi, des bons juifs pratiquants, exerçant des spécialistes de la pratique de la loi qui respectent méticuleusement les petits commandements. Elle n'est pas la bienvenue chez lui. Étant donné sa vie dissolue, étant donné ses péchés, même publics, Simon est au courant. Non, elle n'est pas la bienvenue. Mais pourtant, elle n'a de yeux et d'attrait que pour ce Jésus. Elle sait que Jésus est invité là et elle veut s'approcher de Jésus. Celui dont on dit qu'il fait bon accueil aux pécheurs, celui dont on dit qu'il guérit les cœurs blessés et meurtris. Elle se sait pécheresse, elle se sait meurtrie. Son focus, son attrait est simple. Elle veut aller vers le médecin qui peut-être peut la guérir. Simon, le pauvre Simon, est un peu enfermé. Par son jugement, il enferme Jésus, il enferme cette femme pécheresse et il s'enferme lui-même. En fait, Simon connaît le passé de cette femme. Il s'en souvient, il s'en rappelle et il se dit, c'est terminé, affaire classée. Je l'ai vu pécher ou j'ai entendu parler de son péché, c'est clair, c'est une pécheresse. Il n'y a rien à faire avec elle. Sauf que Simon oublie une chose. Peut-être qu'elle a tombé une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois. Mais il oublie que la grâce de Dieu la poursuit. Il oublie que Dieu part à la recherche de la brebis qui s'égare et cherche de la séduire à nouveau, de la ramener sur son cou. Simon ne connaît pas Dieu, ne connaît pas que Dieu est amour. Et justement, méconnaissant cette puissance de Dieu, il n'arrive pas à voir aussi dans les attitudes de cette femme qu'elle n'est pas en train de séduire Jésus. Elle n'est plus là, elle n'est plus dans un jeu de séduction. Elle pleure. Est-ce qu'une femme qui veut séduire un homme pleure? Peut-être parfois. Mais ici, certainement pas. Elle pleure sur les pieds de Jésus. Ses pieds sont sales, Jésus. On marchait souvent dans la poussière en sandales, ses pieds sont sales. Et la coutume était de laver les pieds des autres, mais bon, Simon n'a pas trop voulu. Il invitait Jésus, mais il ne l'invitait pas trop. Au fond, il n'a pas été très cordial, il n'a pas fait ses coutumes d'habitude, ni du baiser, d'accueil, ni du lavement des pieds. Mais cette femme, sans prétention, est triste de sa vie et elle pleure aux pieds de Jésus. Elle les essuie de ses cheveux. Elle enlève la poussière des pieds de Jésus par ses cheveux. Simon n'arrive pas à voir que cette femme n'est plus dans son péché. Elle est dans son désir de quitter son péché. Certains nous disent, des fois certains m'ont déjà dit, ça doit être terrible d'entendre tout le temps les confessions de tout le monde. On entend toutes les horreurs que les uns et les autres ont faites. Mais en fait, si vous saviez comme c'est beau, parce qu'au fond, ce qu'on voit, ce n'est pas tant quelqu'un en train de pécher. On voit quelqu'un qui est au moment où il veut quitter son péché. Ce qu'on voit, c'est exactement cette scène. Quelqu'un qui vient tendre la main et crie vers Jésus, « Aide-moi, ce n'est plus ça que je veux. Oui, j'ai fait ça, mais ce n'est pas ça que je veux. Je sais que ton appel, Seigneur, m'appelle à changer, m'appelle à autre chose. » Oui, l'être humain est beau lorsqu'il désire autre chose que ce qu'il a fait. Mais Simon, encore une fois, n'a pas su le voir. Et en plus, Simon se met non seulement à juger la femme, mais se met à juger Jésus. Parce qu'il se dit, si cet homme était prophète, hein, il saurait bien que c'est qui c'est qui la touche là. Et il saurait que c'est une pécheresse. Jésus, alors, essaie d'entrouvrir, d'élargir l'espace de Jésus, l'espace de ce Simon, ouvrir son esprit, et il lui raconte cette parabole, qui aime le plus, celui à qui on remet une petite dette ou une grande dette? La réponse est claire, si on me remet une grande dette, eh bien, je vais sauter au plafond, je vais être dans la joie. Eh bien, il dit, c'est ce qui est en train de se produire, cette femme. Il le dit bien, ses péchés, ses nombreux péchés, s'ils lui sont pardonnés, c'est parce qu'elle a beaucoup aimé. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, je crois que le Seigneur nous invite à une conversion, celle de choisir d'arrêter de juger. Le jugement, c'est un poison. Et je dois me confesser, je pêche souvent par ce péché et un autre péché qui l'accompagne souvent. Donc le jugement peut être d'abord intérieur, ça semble être le cas ici pour Simon. Mais très souvent, nous, on va plus loin, on va jusqu'au péché de médisance, de la critique inutile. Et là, en plus, on cause un homicide de la réputation de l'autre. Saint Jacques a des paroles assez claires et assez crues sur le jugement. Il dit, « Si quelqu'un ne commet pas d'écart de parole, c'est un homme parfait. Il est capable de réfréner tout son corps. La langue, au contraire, personne ne peut la dompter. C'est un fléau sans repos. Elle est pleine d'un venin mortel. » Par elle, nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Saint François de Sales disait que nous avons d'une certaine façon trois vies en nous. On a d'abord la vie du corps, hein, mon corps est vivant. Il y a aussi la vie spirituelle et il y a aussi ma vie relationnelle, civile, on pourrait dire. Eh bien, la mort physique, la maladie m'enlève la vie du corps. Le péché, quand je commets des péchés, ben, ce que ça tue, c'est mon âme, c'est mon cœur, ça me rend un cœur de pierre au lieu d'un cœur de chair. Mais il dit, la médisance, ça tue la vie relationnelle et civile de l'autre, ça tue la réputation. Et en plus, la médisance, il dit, elle commet comme un triple homicide. D'une part, elle tue la vie spirituelle de celui qui la profère, cette critique, cette médisance. Elle tue mon âme. Ensuite, il dit, elle tue l'âme de celui qui l'écoute avec complaisance et qui l'y consent, qui se complaît dans ses critiques. Et il dit en plus, ça tue la vie, la réputation de celui de qui je parle. Je ne lui donne plus la chance de se relever. Je suis en train de semer une mauvaise réputation qui pourra bloquer ses chemins même de conversion. Bref, c'est pas génial la critique et c'est pas génial la médisance et le jugement tue. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite encore une fois à changer. Donc, comment faire pour changer de chemin? Premièrement, vu que c'est pas facile, je nous invite à demander l'aide de Dieu. Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, savait bien que notre langue est trop prompte à critiquer, à abaisser. Et elle disait, j'y arriverai jamais de m'arrêter de faire ces jugements-là. Et elle dit ceci dans l'histoire d'une âme. Ah Seigneur, je sais que vous ne me commandez rien d'impossible. Donc si vous me commandez d'aimer mon prochain comme moi-même sans le critiquer, vous ne commandez rien d'impossible. Mais vous connaissez mieux que moi ma faiblesse, mon imperfection. Vous savez bien que jamais je ne pourrai aimer mes sœurs comme vous les aimez, si vous-même, ô mon Jésus, ne les aimiez encore en moi. C'est parce que vous voulez m'accorder cette grâce que vous m'avez fait un commandement nouveau. Ô que je l'aime, puisqu'il me donne l'assurance que votre volonté est d'aimer en moi tous ceux que vous me commandez d'aimer. Autrement dit, premier point pour réussir cette conversion, c'est d'inviter Dieu à aimer en moi. Sans lui, j'y arriverai pas. Et Thérèse, l'enfant Jésus, dit encore, eh bien, oui, ça se peut que j'ai vu mon frère ou ma sœur tomber une fois ou faire un écart de colère, une fois ou l'autre. Mais elle dit peut-être qu'il y a plein de fois où elle a eu des victoires contre sa colère, contre ses impatiences, et plein d'autres fois, peut-être qu'elle a eu des victoires et je ne l'ai pas vue. Qui suis-je pour juger de la quantité de ses victoires ou de ses défaites? Aussi, autre petit conseil tout simple, si on se met à dérailler en parole, donc deuxième petit conseil, premier conseil, c'était inviter Jésus pour qu'il aime en moi. Deuxième conseil, on peut dire, se dire que peut-être qu'il a eu plein de victoires et se mettre justement à regarder ses vertus. Mais troisième conseil, lorsque j'ai commencé ou lorsque la conversation entre amis commence à dérailler, on peut changer de conversation. Se donner des petits trucs pour dire « Oups, hey, oh, on glisse, on change de sujet. On change de sujet, mes frères. » Et puis ensuite, si on s'aperçoit que c'est plutôt intérieurement qu'on dit rien, c'est bon, on réussit à contenir notre langue, mais dans notre tête, ça tourne les jugements, eh bien là, Pierre Goursol, fondateur de la communauté de l'Emma, disait « Eh bien, prions pour ceux qu'on juge. Prions pour ceux qu'on juge. » Il dit ceci, « Le temps que nous passions auparavant en critiques et en paroles vaines, nous devrions dès aujourd'hui le passer à prier pour nos frères, à supplier le Seigneur qu'il achève en eux son travail de conversion. Et comment n'exaucerait-il pas notre prière faite avec foi et amour, lui qui réalise chaque jour des merveilles de conversion dont nous sommes les témoins? » Encore une fois, la miséricorde de Dieu est grande. Cette année, le pape François a dit « c'est l'année de la miséricorde ». Eh bien, je nous invite, frères et sœurs, à répondre à l'appel du pape François. Son appel est tout simple, que nous ayons nous-mêmes, que nous soyons des visages de la miséricorde du Père, que nous n'enfermions personne dans leurs actes passés, mais que par notre présence, comme Jésus auprès d'eux, qu'ils puissent se relever pour ne plus pécher, par notre charité, par notre espérance et par notre prière pour eux. Oui, Seigneur, merci de ta bienveillance, de ton appel, et aie pitié de nous, pardonne-nous toutes ces fois où, comme Simon, nous avons jugé, enfermé, critiqué. Donne-nous ton amour, donne-nous de déborder de ta miséricorde. Amen.